J'en ai une, moi. Chuck. Frac. Regardez, là, en l'air. Vous voyez quoi? Des nuages? On dirait pas... du tissu? Oh là là. Mon fou. Un tissu comme un textile.